pour notre gloire personnelle. Il ne le fait pas pour nous-mêmes. Lorsque l'Esprit Saint agit dans une vie, il ne le fait pas uniquement pour satisfaire le petit cœur d'une personne qu'a accueilli l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne reste jamais enfermé dans le cœur d'une personne pour elle-même. L'Esprit Saint se répand, il jaillit, il est fait pour être transmis, il est fait pour être donné, pour se donner soi-même. Et nous le voyons dans tout ce que nous disait déjà Isaïe de celui qui allait recevoir l'Esprit Saint. C'était un ministère vers les autres, c'est un ministère vers le monde, ce n'est pas un ministère centré sur soi. Et ça, c'est la vraie guérison qu'on doit demander au Seigneur dans la demande de l'Esprit Saint que nous faisons. On ne demande pas l'Esprit Saint pour nous. Et nous savons que nous sommes tentés par cela parce que nous vivons dans une culture qui promeut l'autoréalisation, la satisfaction personnelle, enfin je vais m'accomplir, et ci et ça, qui est centré sur nous-mêmes, on se regarde. On ne peut pas se regarder et demander l'Esprit Saint, il ne viendra pas. En revanche, si je regarde mes frères et sœurs autour de moi, si je regarde les besoins du monde dans lequel je vis, si je me laisse atteindre par ce que vivent mes frères et sœurs en humanité, là l'Esprit Saint vient quand je l'invoque. Et donc nous devons, frères et sœurs, nous cesser de demander cet esprit lorsque nous le demandons pour régler seulement nos problèmes. Il va le faire, il va s'occuper de nous à la mesure où nous nous occuperons des autres. Évidemment, il va nous guérir à la mesure où nous nous occuperons de nos frères et sœurs. Il ne va pas nous guérir pour nous-mêmes. Regardons la belle-mère de Pierre. Jésus l'a guérie, qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle servait Jésus. Elle s'est mise à sa suite. La Samaritaine, elle a été guérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à la suite de Jésus. C'est jamais pour nous-mêmes. Alors demandons l'Esprit Saint pour porter le fruit que Dieu attend de nous et que peut-être nous n'osons même pas imaginer. Nous ne savons même pas quelle fécondité nous allons avoir. Mais nous sommes touchés. Nous sommes touchés par des réalités qui nous affectent dans le monde que nous vivons. Nous sommes émus de compassion comme Jésus pour des souffrances de ce monde. Pour les petitesses, les pauvretés, les misères de ce monde. Demandons l'Esprit Saint pour cela, pour ces personnes-là, et il va nous être donné, sans aucun doute. Il va nous être donné si nous l'implorons. Je sais que parmi nous, certains se préparent au mariage. Il y avait une rencontre de préparation au mariage cet après-midi. Quelle belle vocation! Quelle belle vocation! Quelle belle vocation pour moi et pour mon conjoint, mon futur conjoint. C'est une belle vocation pour deux personnes. On ne se marie pas pour soi. On se marie pour soi et son conjoint. Il faut tenir compte de soi, évidemment. C'est la base de ma décision, de ma liberté. Mais je me marie pour me donner à celui avec qui je veux fonder un foyer. Et je n'imagine pas la fécondité que je vais porter plus tard. Mais je demande l'Esprit Saint aujourd'hui, pour cette grande fécondité. Je me donne aujourd'hui. Puis j'arrête de regarder tous les jours si ça va bien, si mon épanouissement personnel est suffisamment maximum pour que ça aille bien demain matin quand je vais me réveiller. Cessons de nous regarder. Et demandons l'Esprit pour nous donner en vérité. Nous, comme prêtres, je parle aussi à mes frères missionnaires qui sont là, nous sommes prêtres pour vous. Nous sommes prêtres pour tous les baptisés, nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes. Et toutes les vocations ne sont pas pour soi, elles sont pour la fécondité que l'on porte au service du monde dans lequel on est, par le don de l'Esprit. Demandons maintenant instamment cet Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, viens sur nous au cours de ce sacrement que nous recevons peut-être chaque semaine. Eh bien, nous te demandons de venir pareil sur nous ce soir, dans la simplicité de cette célébration, et de venir élargir les dimensions de notre existence, que nous cessions de regarder nos vies par la lunette de nos pauvretés, de nos misères, mais que nous la regardions par la générosité et le feu de ton esprit qui veut nous faire faire des choses tellement plus grandes que nous n'osons même imaginer. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs ce soir, viens étendre, viens élargir la tente de ta demeure au milieu de nous.